Question 11. J'ai perdu mes papiers. La déclaration de perte du permis est valable 1 mois, réponse A, 2 mois, réponse B. La déclaration de perte de la carte grise est valable 15 jours, réponse C, 1 mois, réponse D.